Cette femme de Lydie Salvert. Quatrième épisode, Sylvia Place. Texte dit par Hélène Losseur. Il arrive que les grands événements d'une vie se produisent en un instant. Le 26 février 1956, lors d'une soirée étudiante à Cambridge, Sylvia Plath rencontre Ted Hughes. Il est grand, il écrit des poèmes, il a une beauté de cinéma. Elle est exaltée, elle écrit des poèmes, sa fébrilité se trahit dans ses gestes et sa voix. Ils ont bu, ils l'embrassent, elle lui mord la joue jusqu'au sang. Ils s'épousent le 16 juin 1956, jour du périple de Bloom dans l'Ulysse de Joyce, car les grands événements de la vie sont frappés, pour ces deux-là, au sceau de la littérature. Leur amour, au début, ne connaît aucune ombre. Sylvia compose une ode à Ted, elle est radieuse. Elle a, sur les photographies de l'époque, le sourire américain, bêta, de la femme comblée. Elle veut être une épouse parfaite. Toutes les femmes américaines veulent être des épouses parfaites et obéir aux conseils ménagers du magazine Mademoiselle. Ted, pour l'endormir, l'entoure de ses bras, la rassure, la berce et lui murmure des mots d'amour qui font un sort à ses angoisses. Elle le trouve immense, magnifique, un génie. Elle l'appelle son sauveur. Elle dit que, privée de lui, elle mourrait au monde. Ensemble, ils voyagent en Espagne et font une halte dans un village de pêcheurs près d'Alicante. La terrasse de leur chambre ouvre sur une mer parfaite. Ils boivent du tinto, ils écrivent des vers. Ils éprouvent l'un pour l'autre une admiration sans réserve et le même désir de vivre en poésie. La présence de Ted fait renaître en Sylvia des énergies nouvelles et accroît son désir de se vouer à sa passion. Elle l'a décidé. Elle écrira 33 poèmes qui heurteront violemment la critique. Car ce qui est écrit pour ne rien heurter ne mérite nullement de vivre, comme chacun le sait. Mais les vieilles angoisses de Sylvia se raniment parfois, qui lui font redouter une rechute. Elle entend un vent de malheur rôder aux alentours. Un sale goût de linceul vient lui gâter la bouche. Ted perçoit en elle ces forces négatives, qui probablement l'inquiètent et aussi le fascinent, comme elles inquiètent et fascinent la plupart des humains qui disent les déplorer. Pour l'instant, Ted sait les endormir. Il détient ce pouvoir. Il n'ignore pas que 3 ans avant leur rencontre, Sylvia, qui habitait aux États-Unis, est morte une première fois. Sylvia mourra plusieurs fois dans sa vie. Sa première mort survient en 1953, après un séjour à New York où elle a été invitée à participer à la rédaction du magazine Mademoiselle pour avoir gagné un concours littéraire. Ce séjour la meurtrit. Se conformer à une écriture convenue, comme on l'a exigé d'elle, supporter la frivolité de ses camarades qui se moquaient perdument des infamies du macartisme, observer leur fascination pour la réussite matérielle et leur désir d'être comme tout le monde, c'est-à-dire comme personne, ont constitué pour elle autant d'épreuves, autant de désillusions dont on retrouvera les traces dans « La cloche de détresse ». À son retour, elle se sent à la fois épuisée et pleine de dégoût pour un monde qu'elle dit « pourri ». Et c'est un événement dérisoire qui va concentrer sa détresse. Sa candidature pour un atelier de littérature auquel elle envisageait de participer durant l'été n'a pas été retenue. C'est une bagatelle, mais un chagrin de trop. Le désespoir l'inonde. Il arrive que des chagrins contenus pendant des mois, pendant des années, parfois même pendant toute une vie, se mettent soudain, pour un rien, à déborder les digues patiemment élevées. Un soir d'août, Sylvia décide de mourir. Et cachée dans la cave de la maison familiale, avale un flacon entier de somnifères. On croit à une fugue, on la cherche partout. On la découvre 3 jours après, à demi morte, une blessure à la joue dont elle gardera toute sa vie la cicatrice. Internement psychiatrique, coma insulinique, électrochoc, la violence psychiatrique ordinaire. 3 ans ont passé depuis qu'elle a subi ce traitement abject qu'on réservait aux porcs des abattoirs avant qu'il ne fût infligé aux hommes. 3 ans qu'un dieu l'a saisie par la racine des cheveux et qu'elle a flambé dans ses voltes bleues comme un prophète du désert. 3 ans qui semblent infiniment loin à l'épouse heureuse qu'elle est devenue, si heureuse, dit-elle, que même les anges d'avant la chute pourraient la jalouser. Retour à Cambridge. Ted occupe à présent un poste de professeur. Sylvia partage son temps entre les cours à l'université, l'écriture de poèmes et la dactylographie des textes de Ted qu'elle envoie à des revues, car elle est convaincue du génie de son mari. Épouse, poète et secrétaire, elle veut être ses 3 femmes à la fois, ne renoncer à aucune, jamais. Et la confiance que Ted lui accorde, son admiration et sa complicité, lui font croire un moment que la chose est possible. Mais l'équilibre des couples est fragile et l'amour ne guérit d'aucun mal. Ted obtient en février 57 le prix Harper du meilleur livre pour « Un faucon sous la pluie » et commence à se faire un nom dans le monde des lettres. Sylvia, en revanche, a l'impression que l'écriture lui échappe, que sa grâce la quitte, qu'elle est infertile, vide, l'esprit opaque et encombré de recettes de cuisine. Ne serait-elle bonne qu'à préparer des tourtes et du jarret de bœuf ? N'aurait-elle d'autre existence que celle de Madame Hughes, épouse de poète ? Et le désir d'écrire, qui est l'affaire des hommes, serait-il inconciliable avec une vie d'épouse qu'elle voudrait exemplaire ? Ce sentiment perpétuel d'avoir à se battre pour être une écrivaine à part entière et ne pas se laisser confiner dans des tâches subalternes, ce sentiment qui anticipe les grandes heures du féminisme, résonnera souvent dans la poésie de Place, entre révolte et dérision. Juin 57. Départ du couple pour le Massachusetts où Sylvia a grandi. Sylvia a obtenu un poste d'assistance au Smith College à Northampton, où elle fut quelques années auparavant une étudiante exceptionnellement brillante. Car Place, adolescente, courait déjà après la perfection littéraire, laquelle n'existe pas, mais cela elle l'apprendrait plus tard. Car déjà elle s'efforçait d'atteindre à ces choses savantes dont la poésie n'a que faire, mais cela aussi elle l'apprendrait plus tard. Car déjà elle s'évertuait à satisfaire une mère frottée d'art et de littérature dont elle n'était, disait-elle, qu'une extension. En dépit d'une mémoire qui boite, ce retour au pays natal réveille en son esprit son enfance océane et le souvenir d'un père adoré, biologiste de métier. Un père prodigue, allemand d'origine, mi-dieu, mi-ours, qui l'emportait dans les vagues, accroché à son cou, et la lançait en l'air jusqu'à ce qu'elle perdît souffle. Ce père meurt alors qu'elle a 8 ans. Il ne cessera désormais de hanter ses écrits. Car la seule issue devant la perte, la seule consolation devant les deuils que lui infligera la vie, Sylvia Place les trouvera dans l'écriture. L'écriture sera, dit-elle, comme l'eau et le pain, quelque chose d'absolument essentiel. Et c'est parce que l'écriture lui est quelque chose d'absolument essentiel que Sylvia ressent comme une corvée insupportable les cours qu'elle doit donner au Smith College. Le savoir tue la poésie. Elle le savait sans le savoir, elle le vérifie chaque jour. L'enseignement la sèche, le milieu enseignant la désole, les terreurs reviennent, la jalousie, les pensées folles, le sentiment de son néant, les insomnies et leur eau noire. Son livre « Deux amants » est refusé. Ses poèmes aussi, puisque la clique, comme elle désigne le petit groupe de ceux qui décident de la vie et de la mort des livres, ne publie encore et toujours que les amis, c'est ce qu'elle dit. Ces refus accroissent en elle le sentiment violent de son insuffisance. Et l'écart qui existe entre la rareté de ses écrits, leur difficulté à germer et à croître, et l'aisance de Ted, ses forces, son charisme, augmente sa douleur de se croire inférieure à lui. Sylvia oscille sans cesse entre une allégresse qu'elle semble surjouer comme pour s'en convaincre, et un désespoir mortifère qui la terrasse des jours entiers. Il est des moments où elle se sent portée par un somptueux sentiment de puissance, où l'écriture vient miraculeusement, où les mots courent et s'enchaînent, sans effort. Alors elle marche sur l'eau et sa vie est divine. Elle rit fort, parle haut, se montre exubérante et arbore ce sourire nunuche qu'on lui voit sur les photographies de l'époque. On s'y tromperait. Puis soudain, la paralysie mentale, le sentiment de sa nullité, le goût de cendre, l'impression d'être en exil du monde, de vivre sur une planète glacée, la conviction que son écriture n'est qu'un avatar de la vie, que la réalité qu'elle veut saisir recule sans cesse et qu'un gouffre sépare la promesse de l'œuvre de son misérable accomplissement. Alors tout, dit-elle, tourne autour de la mort. Son esprit gît sous le plancher comme un cadavre répugnant. Le monde entier se décolore, et ses poèmes lui apparaissent pâteux, fades, narcissiques, encombrés d'artifices, écœurants. C'est après l'une de ces chutes au fond du gouffre que Sylvia Plath réalise qu'il y a en elle un moi assassin, avec lequel elle devra, toute sa vie, composer. Un moi assassin qui, comme pour Wolfe, obéit au rythme des bêtes qui hibernent, qui peut sommeiller des mois, se tenir quoi, disparaître, laisser perfidement le calme et la sérénité s'installer, puis ressurgir soudain avec son goût de mort, sa violence de mort et ses armes de mort. Ce moi assassin, elle dit qu'elle veut à présent lui faire honte. Elle dit qu'elle veut lui faire entrer le nez dans la figure. Et elle est polie. Elle y parvient tant bien que mal durant l'année 1958. En 1959, Sylvia Plath quitte enfin le milieu scolaire dans lequel elle étouffait pour s'installer avec Ted à Boston, une ville comme elle les aime, avec des gens, des lumières, des cafés, des théâtres, des artistes, des écrivains et des éditeurs. Deux de ses poèmes sont acceptés par le très saint New Yorker, et une immense bouffée de joie terrasse un moment cette chose maligne qui gît dans sa poitrine et l'empêche de vivre. Plath s'approche, à ce moment-là, de quelque chose dans l'écriture qui lui est absolument propre. Exit les modèles poétiques qu'elle a dévotement étudiés. Exit la perfection poétique qui consiste à chasser le difforme, le faible, le laid dont sont faites nos pauvres vies. La perfection est atroce. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Ce qui l'amène à reprocher à Wolfe, son admiré, de faire une œuvre dépourvue de pommes de terre et de saucisses. L'atrophie de l'expérience, elle en prend conscience à présent, et ce qui menace l'homme moderne et ce qui menace la poésie. Désormais donc, son écriture sera faite de sa vie la plus familière, la plus triviale parfois, avec le pot-au-feu qui siffle et l'odeur de graillon. Sa vie délivrée des habituelles pudeurs poétiques. Sa vie avec son quotidien plein de mystères et d'inquiétudes, avec l'ordinaire des jours, l'insomnie des nuits, et ces moments où elle touche, terrifiée, au néant de la mort. Le tout arrosé d'un jus de citron vert. Retour à Londres en 1960. Installation dans un appartement minuscule. Quelques mois après, paraît le premier recueil de Plath, Le Colosse et autres poèmes, qu'elle dédie à Ted, sa belle et grande brute d'homme. En avril 61, elle donne naissance à la petite Frida. Mais une fois encore, Plath se sent écartelée entre le sentiment d'indépendance que lui confère la publication de son livre et son nouveau statut de mère, qui la rive dans une position sociale dont les devoirs et les obligations la tiennent prisonnière. À ce malaise se greffe son désappointement de n'obtenir aucun prix littéraire et de ne trouver aucun éditeur aux USA, ainsi qu'elle l'avait candidement espéré. Car il y a chez Plath ce même désir enfantin de réussite que l'on trouve chez Wolfe, la même recherche naïve d'éloge, le même besoin désespérant d'être reconnu, et devant la sévérité de la critique ou son indifférence, la même détresse et les mêmes larmes, la même peur de décevoir et le même sentiment d'être rien. Au printemps 60, elle met tout son courage à terminer le texte auquel elle pense depuis longtemps, La cloche de détresse, roman de la folie et du désespoir, dont l'héroïne Esther Greenwood, une jeune femme qui lui ressemble, vit déchirée entre sa volonté de s'adapter à une société affreusement conservatrice et son refus sauvage, son refus vital, d'obtempérer à ses normes lorsqu'elles n'ont à ses yeux aucun sens. En 1961, Sylvia et Ted achètent à Court Green, dans le Devon, un manoir qu'ils aménagent et embellissent. Sylvia, désormais, dispose d'un bureau qui donne sur un parc. Dans le jardin, les jonquilles fleurissent et le muguet jaillit au milieu des ronciers. Le bonheur est à portée de main. Elle le croit. Il est des jours où elle le croit. L'année d'après, Sylvia donne naissance à son deuxième enfant, achève enfin La cloche de détresse, écrit quelques poèmes qui vont bientôt paraître dans une anthologie des nouveaux poètes d'Angleterre et d'Amérique, et compose une pièce radiophonique, Trois femmes. C'est cette même année que Ted s'éprend d'Asia, qui est belle et élégante, qui est poète elle aussi, et partage la vie de leur ami le poète David Weville. Sylvia, de désespoir, chasse Ted de la maison. Capoute les rêves roses. Place se retrouve seule avec ses deux enfants, dans un village perdu à 4 heures de Londres, privé de ressources, abandonné des éditeurs, haine à ras-bord. Elle ne dort plus. Des oiseaux gris hantent son pauvre cœur. Ses poumons sont deux sacs à poussière. Elle dit « Je suis un morceau de viande rouge ». Elle dit « Je suis habitée par un cri ». Elle voudrait hurler, mais elle ne le peut pas. Elle voudrait pleurer, mais elle ne le peut pas. Le matin, très tôt, avant que les enfants ne s'éveillent, avant que la machine du quotidien ne s'enclenche, elle écrit les poèmes qui composeront Ariel. 30 poèmes en quelques mois. 30 poèmes où elle fait d'une douleur à l'état pur, une poésie à l'état pur. Elle les écrit à même sa blessure, dans une souffrance mortelle. La poésie, dit-elle, est un jet de sang. Mais avec, en dépit de tout, la force d'ironiser. Mourir est un art comme tout le reste. Je m'y révèle exceptionnellement douée. Car Sylvia Plath, dans ses poèmes, a l'ironie féroce. C'est chez elle ce que j'aime par-dessus tout. Devant l'illusion de l'amour, elle sarcastise, elle raille, toute griffe dehors, toute griffe dedans. Voulez-vous l'épouser ? C'est garanti à vie. Elle vous fermera les yeux le moment venu. Puis le chagrin la désintégrera. Nous renouvelons nos stocks régulièrement. Et cette ironie grinçante, désespérée, narquoise, elle ne peut s'empêcher de l'exercer contre toutes les impostures. Contre l'imposture poétique et son lyrisme bon marché. Le sang est un coucher de soleil. Je l'admire. Je suis dedans jusqu'au coude, rouge et glapissant. Il continue de suinter inépuisablement, tellement magique. Contre les grands sentiments, la prétendue bonté et ses écœurantes sucreries, et contre l'usage impudique qu'elle fait elle-même de sa propre souffrance. Pour regarder mes cicatrices, il faut payer. En 1962, Plath décide de s'installer à Londres, dans la maison où Yeats a vécu. Cela lui paraît de bon augure. Elle espère ainsi sortir un peu de sa solitude et se rapprocher d'un milieu littéraire dont son isolement l'avait coupée. Mais son œuvre, à Londres comme ailleurs, se heurte à une indifférence qui la blesse et que le drame de la rupture vient sans doute aggraver. La cloche de détresse, qui paraît au mois de janvier 1963, ne suscite qu'un intérêt médiocre. Tout espoir semble mort. Le glas sonne. Le glas sonne. Dans l'appartement londonien, il fait froid. L'hiver 63 est un hiver très froid. Les canalisations sont gelées, le courant est coupé, Place en souffre, elle a de la fièvre. Elle est à bout de force. Elle sent la vie lentement la quitter. La nuit du 11 février, elle calfeutre l'encadrement de la porte de la cuisine avec du papier adhésif, pour éviter que les enfants n'inhalent les vapeurs toxiques. Elle est calme. Elle ouvre le gaz. C'est fini. Ariel paraît en 1965, 2 ans après sa mort. Et tous ceux qui avaient ignoré Sylvia Plath de son vivant s'accorderont à dire qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre. La cloche de détresse deviendra un best-seller. Et en 1982, Sylvia Plath obtiendra le prix Pulitzer, à titre posthume, pour l'ensemble de son œuvre. Il est à parier qu'elle aurait, de son vivant, trouvé une raillerie mordante pour commenter cette logique qui voulait qu'elle mourût, pour vivre enfin aux yeux de ses lecteurs.